Sous le ciel écossais, plus d'amour interdit. Là, on pourra s'aimer. Sous le ciel écossais, le scandale. Avions tous les temps, mais l'amour.